d'un papillon de gris. Et pour ne pas mourir d'envie, car ça brûlait les ailes au flamme des lumières de la ville infâme. Je suis un papillon de gris. Et pour ne pas mourir d'envie, car ça brûlait les ailes au flamme des lumières de la ville infâme. Littérature indigeste, la guerre ou la peste, canular écologique, du beau néon, cravate en plastique, lucidité, un visage, tracras sur feu, beau joli village, provocation permanente, désir frustré, folie imminente, corrébile. Je suis un papillon.